travail qui est une excroissance des recherches menées en thèse, il y a maintenant quelques temps, mais avec une nouvelle réflexion, une thèse consacrée aux assèchements de marais. Donc, ce qui m'a amené à réfléchir sur ces questions. Alors, la trigonométrie, avec la publication de traités très savants, très érudits, des triangulistes de Regio Montanus, qui jette les bases de la triangulation et qui a permis, dès le milieu du XVIe siècle, la diffusion des techniques cartographiques qui ont été rassemblées pour la première fois, et diffusées surtout pour la première fois, par Gemma Frisius, donc aux alentours du milieu du XVIe siècle. Donc là, au début de l'époque moderne, c'est la triangulation et le début de la mise au point des techniques de représentation de l'espace, on va dire à petite échelle. On peut avoir une vision synthétique, globale et proche de la vérité de l'espace. Ces techniques, au début, c'est le milieu, on va dire, érudit, savant, des humanistes. Ça n'a pas encore directement d'application pratique. Mais qu'est-ce qui se passe au cours de la période, hein, à la fin, au XVIIIe siècle, on a une véritable cartographie d'État. C'est-à-dire on a une gestion centralisée de la représentation de l'espace au niveau de l'État. Alors j'ai mis là quelques exemples. Le français, la carte Cassini, la classe Rulen, qui donne des visions synthétiques, mais spécialisées. C'est-à-dire on va chercher des informations précises. Alors c'est une vision très globale, il y a beaucoup à dire, hein, il y a beaucoup à dire en plus, puisque ça se décline, chaque pouvoir peut avoir eu intérêt à inciter la cartographie, mais bon, voilà, à ce stade, on va retenir ça. Et par ailleurs, dans le même temps, la période moderne, c'est une période de mutation dans la gestion des zones humides et des fonds de vallée. C'est la diffusion, la généralisation de l'assèchement, hein, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Bon, je n'ai pas de chiffres ici précis, mais voilà, on a agrandi la surface agricole utile par les assèchements. C'est le début de la canalisation. La canalisation, c'est créer de nouvelles voies d'eau et aussi aménager les anciennes. Canaliser les fleuves, les rivières, et puis également une période importante pour le transport terrestre. Donc, également, dans ces mutations, le rôle de l'État et des pouvoirs centraux, mais aussi des pouvoirs locaux, on peut dire, et les centrales dans cette évolution, dans le pilotage, en quelque sorte, des évolutions de la gestion de l'eau. Du coup, cette question, qui pour moi se pose, pourquoi, on a deux évolutions concomitantes, hein, et en quoi, quels sont leurs rapports, quelles sont leurs relations? On va se demander donc comment la cartographie a contribué à la gestion des zones humides et du coup, en fait, comment les techniques de représentation de l'espace participent à la construction de l'environnement. Alors, dans un premier temps, il m'a semblé intéressant, l'intitulé porte sur France-Pays-Bas, en réalité je parle plutôt de la France, et la matrice, par contre, est néerlandaise. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'il y a des méthodes, des moyens d'utilisation de la cartographie qui ont été précocement développés aux Pays-Bas et que la France s'est peu à peu appropriée selon des modalités qu'on va voir. Du coup, en premier temps, Descartes et Despolpaire. Gemma Frisius, que j'ai évoqué en introduction, vient de Frise, mais il a exercé à Anvers. Des triangulistes, Regio Montanus, c'est aussi un Allemand, mais qui a été influent dans la région. Donc, aux Pays-Bas, on a un développement précoce de la cartographie. Cependant, la cartographie, précisément, à quoi est-ce qu'elle va servir? Elle ne va pas servir à aménager directement. En réalité, la cartographie, elle va intervenir dans un second temps. Dans un premier temps, on a des techniques d'arpentage, de mesurage de l'espace, des surfaces, des distances, des hauteurs, qui sont très anciennes, en réalité, mais qui ne font pas appel à la représentation graphique. On peut noter des références, des distances, juste sur un papier, sans besoin de le dessiner. À telle enseigne que, Andreas Ferling, c'est l'auteur du traité d'édigage, et qui a consigné par écrit l'essentiel des techniques utilisées pour la construction des polders. Donc en Sterling, lui, déconseille l'usage des cartes. Il dit non, pas de cartes. On reste sur les bonnes vieilles techniques de mesure. On n'a pas besoin d'avoir recours à ces instruments. Alors, techniques de mesure, il dessine, lui, bon, c'est des dessins du début 20e siècle, mais c'est des interprétations du texte faites par les éditeurs début 20e siècle. Donc, qu'est-ce que c'est des techniques d'apportage comme celle-ci, où voilà, on tire en fait avec une verge. On calcule les distances avec la triangulation, avec la trigonométrie, on peut calculer les distances et les hauteurs. Donc quelque chose d'assez simple. Au départ, donc, la gestion des zones humides, l'assèchement ne nécessite pas de cartes. Petit à petit, néanmoins, se met en place une vraie école cartographique aux Pays-Bas, une école dominante en Europe. Principalement à l'université de Leyde. Alors cette université de Leyde est en fait intégrée en son sein la première école d'ingénieurs d'Europe. Dans cette école d'ingénieurs, qui a été influencée par la pensée de Simon Stevin, ont enseigné ces deux personnages, Doux et Sems, j'oublie les prénoms, qui ont écrit donc deux ouvrages, Praktijk des Landmetens et Traktat van Maken en de Gebruike en Sneeuwgarden. Voilà. Donc, traité en fait d'usage des instruments mathématiques pour mesurer l'espace et pour dresser des cartes. Ça se passe fin 16e siècle, début 17e siècle. À partir de cette période-là, on a une vraie école de formation de cartographes qui est utilisée pour les fortifications, d'une part, et puis par la suite, pour la connaissance des zones humides. Alors ça, c'est une carte postérieure, 18e siècle, mais très rapidement aux Pays-Bas, on a des visions synthétiques de l'aménagement des polders, de l'aménagement des anciens marais, avec une connaissance qui peut être centralisée par les propriétaires, par les gestionnaires. Ce sont donc des cartes qui sont aussi d'apparat, hein, qui permettent de montrer la richesse, montrer le territoire qu'on possède, et surtout ce sont des cartes intéressantes pour nous parce qu'elles permettent de mesurer les différents types d'aménagement. On voit ici différentes générations de polders. Ici, les plus récents, on les repère bien au tracé des canaux qui sont bien vraiment orthogonaux, tout ça, avec des zones aménagées de plus anciennement ou plus de manière plus rudimentaire, qui n'ont pas encore fait l'objet de programmes de grande ampleur. Donc ces techniques, là, elles apparaissent de cartographie comme utiles à la gestion, à la connaissance du territoire et des zones humides en particulier. Voici un autre exemple, centré sur le Bemster. Le Bemster, si de mémoire, c'est cette zone-là. Cette zone-là. Donc à l'intérieur, qui a été construit, enfin qui résulte de l'exploitation de la tourbe au Moyen Âge. Voilà, pour faire. Les zones ont été asséchées par la suite. Au début, on représente sur les premières cartes, ici en 1607, comme un lac voilà, avec des aménagements périphériques. Sur une carte postérieure, on va y représenter les canaux de drainage qui vont permettre son assèchement et sa mise en culture. Alors ces canaux, pourquoi est-ce que c'est intéressant de les représenter? Aussi parce que ce sont des limites de propriété. Permettre de répartir les fruits de l'exploitation de la terre, les fruits du travail de la terre. J'ai pris deux exemples, mais vraiment, aux Pays-Bas, au début du 7e siècle, il y a un foisonnement de production cartographique, en général, très très belle, dès le début de la période. En France, en revanche, ce processus est plus long à se mettre en place. Alors certes, c'est vrai que pour la même période, on a une école de cartographie qui se développe également, qui est liée à la connaissance du territoire, à la conquête de nouveaux territoires. Par exemple, Henri IV conquiert le Dauphiné, on fait un atlas du Dauphiné. Et la cartographie progresse. Mais les zones humides ici sont représentées dans ce type de carte, ça c'est la carte de l'élection de Beauvais ou de Clermont, peu importe. De quoi il s'agit sur cette carte? Il s'agit de localiser précisément chaque paroisse, pour la levée fiscale, ça peut être intéressant de représenter les fleuves, la rivière, les bois, et puis bah, les zones humides, les marais, ils sont là. Voilà. C'est une représentation complètement symbolique qui va, schématiquement, on représente un réseau de drainage. Ça sert juste à témoigner voilà, que là, il y a eu un territoire mis en valeur de cette manière-là, mais ce n'est pas véritablement encore utile. On est à la frontière entre la para et puis l'enjeu politique. Quoi. De fait, au cours de la période, hein, les aménagements sont réalisés sans recours à la cartographie. Alors, on a quand même de l'image, mais on n'a pas de carte. Alors, on va essayer de voir, présenter rapidement le cas arlésien. La rive gauche du Rhône, au niveau d'Arles, a été asséchée au cours des années 1640. Les travaux ont été réalisés entre 1642 et 1644, globalement. Et les premières cartes apparaissent en 1645. Alors, je reviendrai un peu sur ces cartes par la suite. Qu'est-ce qu'on avait comme représentation graphique à l'époque, avant les assèchements, en tout cas la période? Bah, ce n'est pas des cartes, hein, ce sont des plans qui permettent de, juste de détailler le fonctionnement d'un marais dans le delta du Rhône. Une propriété aussi, c'est un espace qui appartient. Cette carte, l'ennui dans les archives, c'est qu'elles sont en général séparées de leur fond, donc on ne sait pas du tout à qui, on ne sait rien. On sait juste ce que la carte nous dit, c'est la rivière du Nord, du Rhône. À l'intérieur, on trouve des canaux qui permettent son drainage, plus ou moins imparfait. Et puis, à l'intérieur, vraisemblablement, des roseaux et des prairies humides. Donc, on a des représentations graphiques qui ne sont pas des cartes. On a des schémas qui ne sont pas des cartes, mais qui juste permettent de localiser certains lieux, localiser certains aménagements. Là, c'est la même histoire tout à l'heure. Hein. C'est une carte qui est tirée de son fond, sa liasse d'origine, donc on ne sait pas trop à qui elle était destinée, pourquoi elle a été faite. Voilà, la représentation des grands aménagements hydrauliques comme ça. Donc on n'a pas besoin véritablement on n'utilise pas le recours à la carte pour gérer. Ce qu'on sait en revanche, je remonte un petit peu, c'est qu'au milieu du XVIIe siècle, en 1645, il y a un ingénieur, Fortkamp, qui a été appelé des Pays-Bas pour dresser une carte de la zone. On n'a retrouvé aucune des cartes, on a retrouvé la facture. Les factures montrent qu'il y a des cartes de différentes tailles, des cartes qu'on met dans la poche, des cartes qu'on met au mur, des cartes qu'on tient sur la table, différents usages de cartes, destinées à différents usagers des marais, des propriétaires qui veulent juste les exposer, aux gestionnaires qui peuvent l'emporter sur le terrain. Donc là, la cartographie devient vraiment un véritable outil de gestion du marais asséché. On retrouve aussi une mention de ces cartes dans d'autres archives, dans d'autres inventaires après décès. Alors, à quoi pouvaient ressembler ces cartes? En voici une illustration réalisée pour les asséchements du Petit Poitou. Alors, elle a été dessinée par Pierre Siette. Pierre Siette, c'était un cartographe du roi, un ingénieur cartographe du roi. Il n'a pas fait que cette carte. Il faisait aussi des cartes les plus classiques, du type que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, on peut vraiment rentrer dans le fonctionnement, dans l'usage d'une carte de gestion des zones humides. Alors, j'espère que vous voyez assez clairement. On a ici les grands canaux de drainage, qui sont des canaux médiévaux qui ont été recreusés à l'époque moderne. Et puis, oui, c'est la mer, c'est la zone, c'est le cimetière, donc ici, tac, ça s'arrête là. À l'intérieur, vous voyez, on a toute une série de petits numéros ici, avec des noms, avec un nom. Alors, je l'ai téléchargé sur Gaïka, on ne peut pas voir là. Donc il faut zoomer dessus pour savoir. Mais ces noms, ça correspond à quoi? Ça correspond au nom du fermier qui est en charge de l'exploitation du terrain. C'est le nom du fermier avec un numéro de parcelle. Et cette carte, elle a atterri à la BNF, mais au moins, on vraisemblablement, hein, des propriétaires terriens, qui peuvent, comme ça, suivre précisément de quel parcelle il s'agit. Voilà, donc une carte de gestion à distance qui permet aussi, il y a un certain relief, c'est quand même un bel objet qu'on peut prendre plaisir à montrer, qui témoigne de l'investissement consenti, puis de la richesse terrienne qu'il y a derrière. Alors, cette carte aussi est intéressante pour nous, pour l'historien, pas simplement pour la relation technique-environnement, parce que il y a d'autres petits points comme ça qui sont représentés sur les cartes, sur la carte. On ne voit pas forcément terriblement bien, mais ici peut-être plus. Que sont ces points? C'est ça, ce sont des fermes. Et l'usage de la carte ici pour nous, ça permet de voir à quel point la zone a séché, à la période, hein, c'était une zone planifiée. C'est un peu comme un con où on fait des parallèles un peu exagérés, mais c'est presque ça. On construit aussi des maisons pour accueillir les fermiers qu'on fait venir d'ailleurs d'autres régions, parce qu'il n'y en a pas assez dans la région de Montréal, un véritable aménagement planifié et homogène. Petite photo champêtre. Celle-là est très dégradée, d'autres ont été rénovées, sont utilisées comme gîtes, etc. Donc, les cartes au cours du 1er et 17e siècle, on va dire, elles apparaissent un petit peu comme ça en France dans la gestion des zones humides, de manière par la bande. On a des exemples isolés. Tout va changer, tout change à partir du règne personnel de Louis XIV, pour faire simple. Alors, que se passe-t-il à partir de 1661 qui permet d'expliquer la mutation d'usage des cartes? Tout d'abord, c'est la construction et l'État qui devient, à proprement parler, gigantesque. Pour l'époque, en tout cas, puis dont on est les héritiers. Enfin, voilà. Donc, un appareil d'État de plus en plus fort et de plus en plus centralisé. Ce qui implique que la prise de décision est de plus en plus éloignée du terrain. Quand on fait un effort d'aménagement considérable, il y a des constructions symboliques, pas seulement symboliques, mais le canal du Languedoc, voilà, c'est cette période-là, on fait des efforts d'aménagement énormes, c'est décidé en centrale, à Paris. Et puis ça touche vraiment énormément de régions. On a besoin d'avoir une information plus claire pour aider à la gestion, à la décision. Ce qui a été central également, c'est l'évolution du rôle de l'armée et de la marine. Et dans le même ordre d'idée, on se dirige vers ce qu'on appelait la guerre de cabinet. C'est-à-dire qu'on décide des différentes stratégies, des différents modes de combat en cabinet et pas sur le terrain. Et là, quel va être le média indispensable, quel média nécessaire? C'est la carte. On représente. On va prendre soin, on va faire en sorte d'avoir une vision de plus en plus globale du territoire. Mais en général, on n'a pas encore de. Enfin, ce sont des cartes quand même spécialisées. Et on ne va pas avoir. On va faire plein de petites cartes avec des spécialisations sur tout le territoire pour faire ça. Alors voilà, un exemple de carte intéressante, c'est les carte célèbre de Mass, de l'ingénieur Mass, qui a représenté tout le littoral atlantique. Alors ici, c'est l'estuaire de la Gironde, les marais poitevins sont là, puis ici un peu plus au nord, on descend le Médoc et la côte landaise. Donc la cartographie ici, les cartes, elles sont faites pour l'armée, dans l'idée de maîtriser le territoire et de ne pas avoir de surprise, quoi, si jamais on a une attaque ou si jamais on doit pouvoir bien planifier la défense du territoire. Ces cartes, elles sont. Ça, c'est la carte de synthèse, mais celle-là, c'est la carte de synthèse, et puis elles sont détaillées. Il y a plusieurs sous-cartes qui permettent de descendre à plus grande échelle. Et là encore, on apporte une place assez importante aux zones humides, aux marais asséchés. Alors c'est à la fois des potentialités économiques, à la fois des enjeux économiques à protéger, et à la fois c'est important à prendre en compte dans une optique de défense. un marais en eau est très difficile à pénétrer. C'est une bonne technique de défense. Un marais séché, au contraire, et peut être plus vulnérable. Mais par contre, l'avantage du marais séché, c'est qu'on peut le remettre en eau éventuellement. Et donc, voilà, ça peut. J'y reviendrai un peu plus tard, mais ça rentre dans la technique de mise en défense. Ici, on retrouve le marais poisemain. Bon, voilà. Là, on commence à avoir une vision bien assez précise hein, de tous les aménagements hydrauliques et de tout le fonctionnement des milieux sur le terrain, enfin, dans la limite des connaissances et des centres d'intérêt de la fin du XVIIe siècle. Ce sont des objets assez jolis. On retombe les cartes du Poitou. Et ces cartes, donc, vraiment, elles servent d'illustration militaire. Je passe sur la Seine, si ce n'est pour vous dire que la limite de ces outils, vous voyez, c'est que ce sont des cartes d'objectifs. C'est-à-dire que on va aussi prêter une grande attention, on va surtout prêter une grande attention à ce qui intéresse le commanditaire. Et le reste des autres informations sont éludées, supprimées. Alors il y a un foisonnement de sources, donc on peut trouver énormément d'informations. Mais voilà, ici on a une carte de la navigation de la Seine, avec tous les bancs de sable correctement indiqués, bien indiqués, de manière à faciliter le travail des pilotes. Mais ici c'est le marais dernier, on a quasiment rien, alors qu'on sait que à cette époque-là, c'est une zone mise en culture. Voilà quelques détails. Donc là, pour une vision plutôt globale, stratégique, de connaissance du territoire. Une autre évolution, c'est vraiment l'usage de la carte dans la stratégie militaire et dans la connaissance des lieux à des fins militaires, de manière à commanditer de nouveaux aménagements, à demander de nouveaux aménagements. Ici, c'est l'exemple d'Oudenarde, qui se situe donc sur l'Escaut. On retrouve sur donc le centre-ville, enfin, la ville, et puis ici, en grisé, le long du lit de l'Escaut, la zone potentiellement inondable pour la mise en défense de la place. Ici, la carte, ça sert vraiment à connaître le milieu, pour savoir où est-ce qu'on doit mettre l'effort pour défendre la citadelle, enfin, défendre les fortifications, où est-ce qu'on doit construire des fortifications. Alors on voit que là où l'inondation est la plus courte, c'est là où on a le plus de bastions. À l'inverse, quand l'inondation est très longue, on fait quasiment aucun effort de fortification, c'est-à-dire qu'on considère l'inondation comme un substitut à la fortification. Ça coûte beaucoup moins cher, et c'est à peu près, enfin c'est peut-être pas aussi efficace, mais en tout cas, ça permet de gagner du temps. Quelques plans, un plan beaucoup plus centré sur Oudenarde, mais quelque chose de très précis, qui permet de bien connaître ici le 4 lignes, encore une fois. C'est des types de cartes qui sont vraiment dressées pour chaque passeport, pour chaque ville, conservées au service historique de la défense. Alors, les cartes, elles permettent d'homogénéiser la gestion des territoires. Et de bien suivre depuis Paris les aménagements réalisés. Et pour nous, c'est très important parce que ça permet de bien les connaître. Ici, on a le plan de Berg, donc en Flandre. Qu'est-ce que l'intérêt de cette carte pour nous, c'est de voir les canaux militaires, les canaux de drainage, et aussi les canaux qui servent aux inondations, parfaitement bien représentés, avec les systèmes de drainage, les moulins de drainage mis en place qui sont également représentés. On a le parcellaire, donc le fonctionnement de tout le milieu qui est indiqué. Cette carte, voilà, on les multiplie et ça permet le choix de stratégie. Ici, il y a un autre, je multiplie un peu les exemples, mais à chaque fois ce sont des informations un peu différentes. Des marais entretenus à l'état de marais, sciemment, à des fins défensives, et donc sans aménagement. tout autour de la ville, on voit bien ici, avec un très très peu de fortifications autour des zones inondées. Donc je vais maintenant m'arrêter et dire quelques mots de conclusion. Au cours de la période, du point de vue d'historien, ce qui ressort clairement, c'est que la cartographie devient un médium, une source importante pour connaître les milieux du passé. On voit comment la technique de cartographie, par ailleurs, a bien servi à mieux connaître l'environnement, a servi à agir, à modifier, à façonner l'environnement. C'est une mise à distance des milieux, qui est un nouveau média, qui facilite donc la prise de décision, l'homogénéisation des types d'aménagement à travers les territoires. Ce qui est important, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est la circulation de la technique cartographie au cours de la période, donc des milieux humanistes au départ, puis plutôt, enfin, dans ce qui m'intéressait en tout cas, au niveau de l'État à la fin du XVIIe siècle. Et cet usage de la cartographie, enfin cette circulation de la technique, elle a évolué en fonction des nouveaux usages. Et un des usages centraux, c'était bien sûr le contrôle, la maîtrise, pas contrôle, c'est un bien mot, mais la connaissance en tout cas, et l'action sur l'environnement. On voit aussi le rôle, enfin, les différents médias, les humanistes, il y a les investisseurs, et puis il y a le pouvoir politique et militaire. Je vous remercie. Merci Raphaël, merci. Donc on va faire comme pour Mathieu, précédemment. Si vous avez tout de suite des questions spécifiques à adresser à Raphaël, on va faire tout de suite. Et puis sinon, on va engager la discussion générale. Oui, une question. Fabien. C'est un point de détail, mais tu as montré des limites qui sont des limites à la fois de niveau et des limites de propriété. Est-ce que tu pourrais simplement expliquer rapidement comment sont définies les limites de propriété dans le cas d'assèchement ? C'est-à-dire comment on détermine les surfaces, etc. Les limites de niveau, en général, ne sont pas représentées. Alors c'était peut-être les canaux de drainage. Tu disais les canaux de drainage, sont des limites de propriété. En gros, c'est ça. Et ces limites de propriété, comment est-ce qu'elles sont définies ? Par les canaux. Okay. Elles sont définies, c'est mettons qu'on est à 100 hectares à sécher, si le coût total c'est 100 euros, tu mets 10 euros. Donc c'est au prorata. C'est au prorata d'investissement. Pour faire simple, c'est ça. Après, il peut y avoir le partage des bonnes et des mauvaises terres. Là, ça ne paraît pas forcément solutionné. Et les courbes de niveau ne sont pas représentées spécifiquement dans les zones humides, d'une manière générale, ça y est pas, mais dans les zones humides encore moins, parce qu'avec les instruments de mesure dont on dispose, c'est pas fiable. C'est un peu dans la suite. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la production, la circulation des informations en amont des cartes ? Qu'est-ce que ça a demandé ? Là, il y a la question de la propriété et des canaux. Qu'est-ce que ça demande comme investissement d'aller recueillir, produire ces choses sur le terrain ? Je suis d'accord avec ton interprétation sur le gouvernement à distance, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Alors, une première réponse de primo-moderniste, non, c'est pas. Voilà, il n'y a pas de source, voilà, ça, c'est une part de l'idée. Alors, sur le terrain, il faut des petites mains pour faire la relevée. C'est des équipes qui peuvent varier en taille, là, c'est 4 ou 5 personnes, ça dépend. Là, franchement, j'ai aucune visibilité là-dessus. Hein. Pour ce qui s'est passé aux Pays-Bas au début de la période, on a des cartographes spécifiquement formés pour cela. Hein. J'en sais pas beaucoup plus là-dessus. En gros, pour le début du XVIIe siècle, Pierre Siette, qui a fait cette carte, on n'a aucune source qui permette de connaître les conditions d'élaboration de la carte. Pour les arpentages, dans les sources, c'est différent, hein, l'arpentage et la cartographie. Ça peut mobiliser plusieurs dizaines d'hommes à arbre. Ensuite, par contre, ça change au niveau, à partir du règne de Louis XIV, où là, on a des ingénieurs cartographes spécialisés qui sont envoyés sur le terrain et qui font des cartes, des relevés réguliers. on sait que Vauban avait son, son cabinet de cartographie chez lui, à Bazoches. Il avait ses cartographes. Voilà. Il y a une circulation entre... aussi, on peut... on évolue, hein. Les frontières professionnelles sont floues. Hein. On peut faire des cartes, puis ensuite faire des fortifications. Là, j'ai pas... Après, techniquement, c'est un trépied avec une planche, avec une lunette, sans forcément perdre, hein, juste pour viser. Voilà, c'est... Corinne Beck. Moi, je voudrais prolonger un petit peu ce que vous demandez. Sur la formation de ces cartographes, est-ce que les études, est-ce que l'on connaît un petit peu la durée des études dans quelques écoles en France en particulier, ou est-ce qu'ils se forment? Est-ce que par exemple le savoir antique est utilisé ou pas? Quel est le... Est-ce qu'il y a entre écoles aussi des échanges en France, aux Pays-Bas ou en Italie? Quelle est l'origine de ce savoir cartographique que l'on voit se mettre en place? On n'a aucune idée. Au niveau des héritages de l'Antiquité, là je vais être un peu court, je vais pas pouvoir dire quoi que ce soit, mais à mon sens, ce qui se passe, c'est au niveau des, comme j'ai indiqué en introduction, hein, au niveau du corpus, des connaissances nécessaires, donc de la triangulation. C'est vraiment Fabius Montanus et puis un siècle plus tard Frisius qui servent de base et qui eux-mêmes, Frisius, il a créé une boutique pour vendre les instruments nécessaires pour la cartographie et pour faire des cartes. Donc là, au début, on est dans des logiques de cabinet encore enfin, typiques de la période. À partir du moment où c'est institutionnalisé à l'AIL, là, il y a un cursus spécifique. Avec les livres que je vous ai cités, de Doux et Sen, ce sont des vrais manuels. Mon programme de quatrième, ce sont des manuels de trigonométrie, qui sont les connaissances théoriques. Ensuite, pour ce qui est du relevé du terrain, sur le terrain, il me semble qu'on utilise les méthodes de l'arpenteur. Des arpenteurs. Mais le passage, ça va être, on va arpenter le terrain, on va faire le relevé, et comment est-ce qu'on passe de la mesure à la représentation, là c'est certainement une façon. Ensuite, la formation sur la 2014, c'est pareil, c'est, là on tombe dans l'apprentissage auprès classique, hein, si vous voulez, et puis c'est quand même prise en main dans le cadre de l'armée, avec l'école du génie, juste comme ça. Question de chef. Oui, je t'en prie, vas-y. Beaucoup parlé du rôle de l'État, l'État étant un élément qui a aidé au développement de la cartographie. Mais est-ce que, en dehors de l'État, c'est des institutions, d'autres seigneuries, par exemple, qui ont aussi utilisé la cartographie? Est-ce que c'est simplement uniquement un moyen d'État réservé à l'État? Au XVIIIe siècle, après, ça se diffuse. Mais au XVIIe, moi, j'ai pas. Non, la cartographie, en temps, j'ai bien distingué l'image, la représentation de croquis, hein, et de la carte, qui, elle, demande plus de moyens, tout simplement. En tout cas, dans son. Enfin, remarquez, la carte du petit Poitou, ces milieux très très proches, enfin, ils sont dans l'État, ils font l'État, c'est eux l'État. Mais en même temps, c'est pas l'État en tant que tel. C'est pas le cabinet du roi qui va le commander. C'est pas le cabinet du roi qui va le commander, mais ce sont des gens. Mais en tout cas, ce sont des pratiques isolées. Mon propos, c'était plutôt ça, des pratiques isolées, mais systématisées, à grande échelle. Là, ça va être le rôle de l'État qui permet ensuite une plus grande, une plus large diffusion. Une récupération de ces méthodes. Après, parce qu'après, on gagne des sous. Ce n'est plutôt un commentaire Gachelin-Marissel. Je suis frappé de la persistance de cette dichotomie entre structure locale et importance étatique. Par exemple, dans les assèchements de marais ou les drainages qui s'opèrent à la fin du 19e et au tout le 20e siècle, d'ailleurs, concernant la lutte contre le paludisme, C'est assez frappant, lorsqu'on regarde les archives italiennes ou les archives françaises, de voir que dès qu'on a affaire à l'administration de l'État, par exemple en Italie, dans le cadre de la Grande Modifica pour la plaine du Pô, on a effectivement un usage de la cartographie qui est extrêmement important, mais lorsqu'on bascule vers des structures plus petites, comme par exemple l'assèchement des terres pontificales au sud de Rome, où les terres de Pastorlonia dans la même région, eh bien en fait, on ne trouve plus aux archives que des tracés à main levée, et il n'y a pas d'usage de la cartographie. Et en revanche, exactement comme ce que vous mentionniez pour les Pays-Bas au XVIe siècle, on a un détail absolument scrupuleux des digues, de la taille des canaux. Mais le tracé des canaux lui-même est littéralement imprécis. C'est laissé visiblement à l'arpentage sur le terrain sans qu'il y ait de relevé cartographique. Et la même chose s'opère en France dans la plaine d'Aléria ou dans le Languedoc. Il y a une distinction absolument de nature entre l'investissement économique local, comme par exemple les terres de la principauté, et lorsque c'est d'État, comme par exemple dans la plaine du Pô. Ou alors le recours à la cartographie est dominant. Et je me demande si ça ne traduit pas tout simplement l'importance d'un ministère ou d'une administration versus une initiative locale. Sans doute. J'ajouterais que, visiblement, à travers ce qu'on voit dans les sources, tout simplement, on n'a pas besoin de cartes. On n'a pas besoin de cartes. C'est pas les connaissances du terrain par les acteurs locaux sont suffisantes. Donc on n'a pas besoin de la carte. En revanche, pour des aménagements pérennes, pour une gestion à distance, pour avoir une vision plus globale, la carte devient utile. Et dans ce cas, ce n'est pas bon. Effectivement, l'administration, elle, a une carte bien utile. Une question de Béotien, ou plutôt de Béotienne, parce que je suis contemporanéiste et je travaille en ce moment sur l'aménagement de la Loire au XXe siècle, mais j'ai dû reconstituer ce qui s'est un peu passé dans les périodes antérieures, et je suis surprise de trouver des cartes qui représentent la Loire, les atterrissements, ils appellent ça, c'est-à-dire les alluvionnements, etc., qui sont fantaisistes, largement après que les connaissances nécessaires pour faire quelque chose aient été maîtrisées. Je ne sais pas si je m'explique bien, c'est-à-dire qu'ils auraient été en mesure de faire des cartes justes, de toute évidence, les cartes du XVIIIe siècle, et ils dessinent des choses fantaisistes. Alors, je ne m'explique pas très bien, est-ce que c'est fréquent? Je donne un exemple, par exemple, les différents bras de Loire dans la traversée de Nantes ne sont pas représentés à l'échelle du tout. Or là, il n'y a même pas besoin de connaître la trigonométrie, il suffit d'ouvrir les yeux, on voit bien que le bras le plus large est celui qui est au sud. Or, ce n'est pas ce qui est représenté. Autre exemple, il y a exactement comme sur les cartes que tu nous as montrées tout à l'heure, sur des zones qui ne sont pas stabilisées, c'est-à-dire des atterrissements de sable qui servent de prairie dans le meilleur des cas, pour la pâture, il y a une représentation, une liste des propriétaires en haut de la carte, avec des numéros sur la carte, mais les surfaces sont complètement fausses, c'est certain. Et je me demande si, je ne sais pas interpréter ça, je ne suis pas moderniste, je me demande si c'est fréquent. Qu'on n'utilise pas toutes les connaissances disponibles à un moment donné pour faire des cartes. Oui. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais ce qui prime, c'est l'usage. Est-ce qu'on a besoin d'une représentation à l'échelle parfaite? Non. On a besoin de dire. Et donc, effectivement, dans la documentation, on trouve beaucoup de sources, beaucoup de cartes qui ne sont pas justes comme ça. Mais en fait, ce n'est pas la question. La question, c'est de dire ça, tel bras se trouve à tel endroit, qu'il soit. Peut-être que le bras le plus petit est moins important que. Enfin, le bras le plus gros est moins important pour celui qui veut le représenter que le bras le plus petit, et donc il est inversé. Ça reste très tardivement, hein, ce type de décalage. Après, pour ce qui est des fautes, la retranscription, c'est pour ça. Jacques Giray, je suis historien, on va dire, un peu anecdotique, puisque je suis écologue et spécialisé sur les cours d'eau. Et j'aurais peut-être une petite remarque à faire justement aux questions que posait Geneviève sur le fait que ces milieux sont extrêmement instables sur des périodes de temps très très courtes. Donc il est d'une part assez difficile de cartographier les largeurs exactes de jeux d'eau dans un système alluvial. D'autre part, il est extrêmement difficile de noter les surfaces dans la mesure où ces surfaces vont changer très rapidement. Ce qui explique en fait que dans les systèmes alluviaux, l'essentiel des surfaces n'était pas des propriétés privées, mais des propriétés, on va dire, communales, etc., jusqu'à notre période actuelle. Donc, est-ce que la question qui peut se poser, c'est quel intérêt a-t-on à donner des précisions à un instant précis, justement, dans ce système alluvial qu'on sait qu'il va changer très rapidement, dans la mesure où il est très protégé par des digues. Voilà peut-être une piste sur laquelle vous pourriez vous lancer pour essayer de comprendre justement ces erreurs. Il y a plusieurs autres mains qui se lèvent et nous n'avons désormais que plus que quelques minutes avant d'aller déjeuner, de devoir aller déjeuner. Il y a des contraintes un peu horaires, sont un peu flexibles, mais pas trop. Je propose laisser la parole à ceux qui veulent, de tourner assez vite, il y a très court dans vos questions, et peut-être de toutes les aligner, et puis en fonction des orateurs de ce matin, de répondre le plus concrètement possible. Alors, le premier, allez-y. Oui, bonjour, je suis Jean-François Marège de Toulouse. Et c'est deux questions très rapides, très innocentes. Est-ce que dans vos recherches, vous avez croisé des poissons ou des pêcheries signalées? Et plus particulièrement, au moment de l'ordonnance de Colbert de 1669 sur les eaux et forêts, est-ce que cette ordonnance-là a donné lieu à une quelconque cartographie? Ma question concerne les ébauches. Est-ce que tu as dans ta documentation des ébauches de ces Desquelles les cartes que tu as pu avoir du 16e, est-ce que tu as aussi des ébauches? Parce que je suppose que ce que tu as aujourd'hui, c'est le résultat final de tout le travail. Est-ce qu'il y a en amont, est-ce qu'on a conservé? Non, je n'ai pas d'ébauches. Peut-être que pour le. Pour tout ce qui concerne la cartographie militaire, ce sont des cartes qui sont en général annuelles. Oui. Tous les ans, on refait parce qu'il faut qu'on fasse l'état des travaux et l'état des projets. Donc on refait les cartes. Donc là, les débauches, c'est évolué. Enfin, on a une grosse base. Ensuite, pour ce qui est début du 17e, on n'a pas de gauche. Ensuite, pour les pêcheries, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, pour la cartographie militaire, s'il y a des pêcheries, il y a des gènes, ils disparaissent. Emmanuel Dumont, alors hydrogéologue au CPI de France, moi c'est un âge, je suis là. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser les plans reliefs qui sont au musée des Invalides et qui étaient réalisés à la même époque, à l'époque de Louis XIV, et qui ont probablement nécessité des relevés très précis dans les zones, principalement dans les zones urbaines, et on avait énormément d'arpenteurs qui permettaient, ils représentaient à l'arbre près, à la fenêtre près les immeubles. Donc est-ce que ça pourrait être une source à la fois pour vos études et même pour le nivellement urbain? Peut-être, mais je vois pas ce que ça. Pour les zones humides, je vois pas ce que ça pourrait apporter par rapport aux cartes, comme ça, incroyable. Peut-être que je me trompe. Mais c'est de la parade, c'est pour jouer à la guerre. Je les ai vus plusieurs fois, mais j'ai jamais pensé à les utiliser. Remarquez, c'est une bonne idée. C'est une question rapide, c'est plutôt de l'ordre de l'histoire culturelle. Est-ce que mettre en carte les zones humides change la perception qu'on a? Est-ce que vous avez fait la corrélation entre ces deux histoires, l'histoire de la mise en carte des zones humides et l'histoire de leur perception par les gens? Le changement de perception implique la cartographie plutôt. Oui. À partir du moment où on va les considérer comme un territoire d'investissement ou ou quelque chose qu'il faut mettre en défense, on va faire des cartes pour une mesure. Enfin, je mettrais plutôt, ça serait plutôt dans l'autre sens. Et du coup, comme il y a quand même de gros intérêts capitalistiques, voilà, ça correspond un peu. Enfin, oui, Daniel Boulet. Je me posais la question suivante. Vu l'importance de la propriété ecclésiastique sous l'Ancien Régime, est-ce qu'on trouve, est-ce que c'est un propriétaire complètement absent de ces investisseurs qui parfois ont pu expérimenter l'usage de la cartographie, ou est-ce qu'il y a des exemples? Ce qui se passe pour ce qui me concerne, donc milieu du XVIe siècle, fin XVIIe, c'est pas une bonne période pour les moines. Donc il y a très peu de capacités d'investissement, très peu de sources. Enfin, j'ai pas la carte que je vous ai montrée, le petit Poitou, c'est la seule source qui permet de savoir qu'il y avait que les seigneurs du lieu étaient l'abbaye. On pouvait s'en douter par ailleurs, mais on n'a aucun papier. C'est sur la carte, on peut s'apercevoir que du 17e particulièrement, du 17e siècle, les sources monastiques sont pas d'ailleurs. Jacques Isirel, donc encore écologue. Je suis un peu très intéressé donc, par les hominides, mais surtout parce qu'elles peuvent donner comme information sur l'occupation des terres. Alors je voulais savoir si dans les cartes militaires que vous avez présentées, s'il y a des informations qui concernent, qui différencient en fait les zones, on va dire, de prairies par rapport à des zones boisées qui pourraient éventuellement être distinguées des prairies par le fait que, bon, point de vue militaire, je suppose qu'une zone boisée peut constituer une zone où on peut cacher notre troupe et tout un tas de choses dans ce style. C'est un peu dans la carte que je vous ai montré, on distingue assez bien les zones qui sont en pâturage, les zones qui sont complètement laissées à l'abandon. Après, c'est vrai que des fois, est-ce que le forestier, je l'ai mal vu ou je l'ai... Oui, mais sur les cartes que je vous ai présentées, il n'y a pas de forêt. Là, c'est où on est sur en flanc. Parce qu'elles ne sont pas représentées ou parce qu'il n'y en a pas? Parce qu'on peut avoir quelle histoire Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce que je pensais. Donc, s'il y en avait eu, elles auraient été représentées. Merci.